paysans du pays, Léon avait dix filles à marier. Mais les belles demoiselles ne trouvaient pas de fiancé. Celui qui viendra à Ménos devra chanter une chanson. La première était boutique, elle s'appelait Yvettique. La deuxième était unique, on l'appelait la petite Annick. Celui qui viendra à Ménos devra chanter une chanson. Fidando et tralala, la la la la l'air. Fidando et tralala, la la la la l'air. La troisième c'était Titine, Vadoué ou Mané qui filme. La troisième c'était Titine, Vadoué ou Mané qui filme. La quatrième Marie-Claude, Yaya ou Mané qui saute. Celui qui mettra sa peine aura un bon gortozen. J'aimerais bien des émados épouser un matelot. J'aimerais bien des émados épouser un matelot. T'as raison, disait Georgette, il sera vite en retraite. Celui qui mettra pas sa peine, que des gueulants. Celui qui mettra pas sa peine recevra son pégémen. Figure-nous être à la la. Et comme disait Marité, chez moi il aura des roustés. Comme disait Marité, chez moi il aura des roustés. Et comme me disait Rosen, je lui flanquerai des natoudens. Les gars du bout disaient tout haut, les gars du bout disaient tout haut, y'a vent de naga boinazo. Jean-Michel, le fils du maire, courait derrière Marie-Pierre. Moon disait un peu jaloux, j'ai pas besoin de ce frilou. Un paysan du pays, Léon, dit que les Un paysan du pays, Léon avait dit fille dans ma chanson. Fille dans nous et tralala.